Ok, play. Gérald. Gérald. Monsieur Longy. S'il vous plaît. Voilà. Ok, fou, you can go. Fou. Je suis encore en train de faire la police ici, moi. Je l'ai fait venir exprès, maintenant il joue plus. Je vais casser son fan. Oh. Mr. Fou, it's us out on the door. Please, please. J'ai mangé tout le chocolat. J'ai fumé tous les gravats. Thank you.